إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 81 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc il ne nous reste pas beaucoup, hein? On est presque à la fin du livre, alhamdulillah. Hier on a terminé le chapitre Babun Maja'a fil Fitan. Aujourd'hui on commence un nouveau chapitre, le chapitre qui s'intitule Babun Ta'zimu Qatl an-Nafs allati harrama Allah illa bil Haqq. C'est-à-dire yani la gravité de tuer l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée excepté pour un droit. Et donc on va lire la signification de ça. Et donc c'est sûr que dans l'islam, le meurtre c'est un des plus grands crimes, un des plus grands péchés que quelqu'un peut commettre, et que c'est quelque chose d'interdit, hein? Toutefois, dans le titre, c'est écrit « illa bil haqq », excepté pour un droit. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est permis de tuer lorsque quelqu'un par exemple a commis un crime, eh bien il y a la peine de mort dans l'islam. Et il y a d'autres péchés également qui font que la personne, si elle commet ce péché-là, elle sera punie et la peine sera la mort, comme par exemple la fornication, l'adultère. La fornication, c'est pas la peine de mort. La peine pour la fornication, c'est les 100 coups de fouet. Mais pour l'adultère, ça c'est la lapidation jusqu'à la mort. Et il y a d'autres exemples comme ça de crimes qui nécessitent la peine de mort. De façon générale, c'est pour dire que dans certains cas, c'est permis. Si par exemple quelqu'un va venir chez nous, comme on a dit à la fin du dernier chapitre hier, on a expliqué ça. Si quelqu'un rentre chez toi puis il veut te tuer, toi tu te défends puis tu tues la personne, dans ce cas-là, tu n'as pas commis un crime. Ce n'est pas considéré comme un crime parce que tu t'es défendu. Et donc, dans ce cas-là, il y avait un droit. L'exemple aussi, par exemple, la police, quand il court après quelqu'un, si la police utilise son arme pour se défendre ou bien pour tuer un voleur, ou un tueur ou quelqu'un qui est dangereux, ils vont lui tirer dessus. Ça, c'est un meurtre, hein? Mais c'est sûr que dans ce cas-là, c'est légitime parce qu'il le fait pour un droit quelconque, pour quelque chose qui est juste. La même chose lorsqu'il y a une guerre, et que par exemple, les gens dans la guerre, ils s'entretuent. Pourquoi? Pour défendre leur terre, pour défendre leur pays, pour défendre différentes choses. Et si c'est un djihad dans la cause d'Allah, dans le sentier d'Allah, dans ce cas-là, ils vont combattre pour élever la parole d'Allah, pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, la plus haute. Et dans ce cas-là, donc ça c'est quelque chose qui est fait par un droit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est pour la justice, pour quelque chose de bien, pour quelque chose de vrai. Et donc, dans ce cas-là, c'est permis de prendre la vie de quelqu'un, dans des cas comme ça. Et donc, c'est pas comme certains qui parfois, surtout les chrétiens, et les chrétiens, ils ont une mauvaise compréhension parfois même de leur propre religion, tu vois, de propre livre. Parce que dans les 10 commandements, c'est écrit « tu ne tueras point ». Donc, eux, ils considèrent que tuer de façon absolue et générale, yani, c'est interdit dans tous les cas. Hein? Et ça, yani, ça c'est ceux parmi eux qui sont ignorants qui disent ça ou qui pensent ça. C'est-à-dire que même si tu tues une araignée ou une fourmi ou un moustique, là, pour eux, ça, c'est un meurtre. C'est la même chose que tuer un être humain. Ça, c'est ceux qui vont vraiment à l'extrême. Sinon, il y en a qui pensent que, c'est-à-dire, même la police, quand la police va tuer quelqu'un pour l'empêcher de faire du mal aux autres, ou de tuer, ou de faire du désordre, ils pensent que ça aussi, c'est la même chose que, quelqu'un qui tue injustement. Ou bien les soldats dans l'armée, la même chose, que c'est pas permis pour eux de tuer aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont des armées? Dans ce cas-là, pourquoi ils ont des polices? Pourquoi ils donnent des armes aux policiers? Si tuer, c'est dans ce sens-là, c'est un péché. Hein? Dans ce cas-là, personne ne devrait avoir d'armes. Aucun chrétien aurait le droit de prendre une arme. Hein? Je me rappelle quand j'étais jeune, avant l'islam, j'étais pas musulman encore, je connaissais pas la religion de l'islam, je connaissais pas. Mais moi, je disais aux policiers, parce que c'est la vérité, qu'est-ce que je lui disais? Je lui dis aux policiers, si tu tues quelqu'un, hein, même si tu es un policier, si tu tues quelqu'un, Dieu va te juger pour ça. Et le policier s'est fâché quand je lui dis ça, il m'a poussé par terre, il m'a donné des coups, il m'a frappé. Oui, ça c'est arrivé quand j'étais plus jeune, hein. Donc à l'adolescence, quand j'étais plus jeune, avant l'islam. Donc c'est pour dire que il a pas aimé mon commentaire, d'accord. Et pourquoi? Parce que des fois les gens dans la société, ils ont l'idée que tout ce qui est civil, tout ce qui est des choses civiles, des choses de la vie, que ça a pas rapport avec la religion ou qu'il n'y a pas de lien avec la religion. Dans l'islam, non, tout est relié. Il n'y a pas une différence entre la vie de la dunya puis la religion. Tout est ensemble dans l'islam. Donc le policier musulman, quand il va utiliser son arme, il doit l'utiliser dans qu'est-ce qui est juste. Il n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un injustement, ou de frapper quelqu'un injustement, ou de faire quelque... Même s'il a l'autorité, même s'il a ce droit-là de porter une arme, ça ne lui donne pas un droit absolu. Il doit se limiter à ce qui est bien, ce qui est permis, ce qui est juste, hein, dans l'islam, selon sa foi. Parce que sinon, il va être questionné par Allah au jour de la résurrection. Hein. Peut-être qu'il peut arriver à faire de l'injustice dans cette vie. Il va tuer des gens injustement ou il va faire du mal aux gens et il ne va pas être puni par les hommes. Mais au jour de la résurrection, il ne pourra pas s'échapper du jugement dans Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour le soldat dans l'armée, lorsqu'il est dans la guerre, s'il est au combat, la même chose. Hein? Il ne peut pas faire de l'injustice. Et tuer des civils, tuer des gens qui ne sont pas des combattants, prendre la vie des gens innocents, des choses de ce genre. Donc si c'est le cas, comme ça dans l'islam, c'est comme ça. Donc c'est encore pire si quelqu'un fait des actes de terrorisme, il tue des innocents, il tue des gens qui ne sont même pas en guerre, et il les fait exploser comme ça. Ça, c'est encore plus grave. Donc, c'est pour dire que dans l'islam, il n'y a pas une séparation entre la vie d'ici-bas puis les questions de la religion. Ça, c'est pas séparé dans l'islam. Et vous allez voir la preuve de ça dans les versets qu'on va lire, dans les explications que le cheikh Al-Fawzan lui va donner. Donc, en premier, le cheikh, il commence par expliquer le titre. Et donc, il dit « هذا الباب في بيان حرمة قتل النفس التي حرم الله وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وقد نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن قتل النفس التي حرم الله وهي النفس المؤمن فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم دونك Le cheikh, il commence en disant que dans ce chapitre, on va expliquer le fait que de tuer une personne, de prendre l'âme de quelqu'un, c'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose que, qui est sacré, c'est quelque chose que Allah a rendu haram. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 33 dans sourate Al-Isra. Donc le cheikh il cite comme premier verset le verset 33 dans sourate Al-Isra. On va lire ce verset ensemble, la signification de ce verset. Il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Illa bilhaq. Il dit quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. C'est-à-dire, ses proches parents, ils ont le choix de demander la peine de mort ou de pardonner à la personne lorsque quelqu'un est tué dans l'islam. Et il dit, les personnes qui ont été tuées, c'est vraiment un énorme péché pour eux. D'accord? Donc ça, c'est le premier verset. Et le cheikh, il dit à propos de ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset-là que l'âme d'une personne soit enlevée et qu'on tue quelqu'un que Allah a interdit de tuer. Et cette âme que Allah a interdit de tuer, c'est l'âme du croyant. C'est l'âme du croyant. Et il cite comme preuve que l'âme du croyant, elle est sacrée et qu'il est interdit de la prendre, le verset 93 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. » Allah l'a frappé de sa colère, il l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Un énorme châtiment. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit explicitement et clairement. Barakallahu fik, Mustafa, ça va? Alhamdulillah, ça fait plaisir de te voir. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit de prendre l'âme du croyant en particulier. Et donc il y a des égarés ou des ignorants dans l'internet. Ils veulent attaquer l'islam, ils veulent critiquer l'islam. Donc ils disent, regardez l'islam, il interdit de tuer le croyant. Mais c'est-à-dire comme s'ils pensent que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne spécifiquement dans le verset qu'il n'est pas permis de tuer le croyant, que ça veut dire que dans l'islam on a le droit de tuer les non-croyants. Donc ça c'est un exemple de l'ignorance des gens. Il y a des musulmans peut-être qui connaissent pas ces principes-là et qui vont entendre ça et qui vont être choqués ou bien qui vont être confus. On dit, c'est permis de tuer les koufas dans l'islam, alors que ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et donc c'est de cette façon qu'ils mentent sur l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils prennent un verset et ils vont pas aller voir les autres versets qui clarifient celui-là. Ou bien ils vont pas voir non plus les hadiths dans la sunna qui clarifient les détails de cette question-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il continue et il dit « وَيَدْخُلُ فِي هَذَا نَفْسَ الْمُعَاهَدْ مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلَهُ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُبَيِّنًا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى ذَلِكَ فأنه ما ينبغي لمؤمن أن يقدم على ذلك إلا عن طريق الخطأ وبين أنه إن كان المقتول مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وأنه على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فكونه من الكفار لا تجب فيه دية وإنما تجب فيه كفارة لأنه نفس مؤمنة ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم والكفارة كما في قتل المؤمن، وهذا يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار وأن دماءهم محرمة كالمسلمين. فقتل الخطأ فيه الدية والكفارة، وقتل العبد فيه الوعيد، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها أو ريحتها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit: on fait rentrer dans l'interdiction de l'âme, de tuer l'âme ou de prendre l'âme de quelqu'un qui est croyant, on peut faire rentrer dans ça également l'âme du mécréant qui est sous la protection des musulmans ou bien qui est sous la protection d'une entente ou d'un pacte avec les musulmans. Ce qu'on appelle les koufars qui sont les mu'ahadoun. Parce que les koufars ne sont pas d'une seule catégorie. Et les ulamas ont classifié différentes catégories de koufars. Il y a les koufars qu'on appelle al-mu'ahadoun. Et c'est-à-dire les koufars qui sont dans un pays et ce pays-là, il est en paix avec les pays musulmans. Dans le sens qu'il y a des traités ou des pactes ou des ententes internationales de paix et de non-agression entre leur pays et les pays musulmans. Donc ces pays-là, les gens qui sont la population qui vivent dans ces pays-là sont sous la protection de cette entente-là. Et donc il n'est pas permis à quiconque d'entre les musulmans de porter atteinte à une de ces personnes-là qui viennent de ce pays-là. D'accord? Ou bien il y a ceux qu'on appelle aussi Ahl-Zimma. Ahl-Zimma, ce sont les non-musulmans, juifs ou chrétiens, qui vivent dans les pays musulmans et qui font partie de la population de ces pays-là. Ceux-là, on les appelle Ahl-Zimma. C'est des gens qui sont également sous la protection des musulmans et que les musulmans n'ont pas le droit d'agresser ou de faire du tort ou de faire du tort à leur personne ou à leur bien, et encore moins de prendre leur vie. Et donc ça c'est Ahl-Zimma. Et il y a Al-Musta'manoun. Al-Musta'manoun, parmi les kuffars, c'est ceux qui, par exemple, viennent dans les pays musulmans temporairement, soit pour faire un travail, soit parce qu'ils ont un travail à faire, par exemple les gens qui viennent soit comme employés ou comme dignitaires, ambassadeurs, consuls, ou des gens qui sont représentants de leur pays, ou des gens qui viennent pour une raison ou pour une autre, mais avec un visa, ils rentrent et ils sont protégés pendant toute la période de leur séjour dans le pays musulman. Et ils sont sous la protection des musulmans. C'est un devoir et une responsabilité pour tous les musulmans de ce pays-là de les protéger, de les respecter et de ne pas porter atteinte à leur personne, ni à leur vie ou à quoi que ce soit de ce genre. D'accord? Et donc, ces catégories-là, c'est interdit donc de leur faire quoi que ce soit, de leur faire du tort à leur vie ou à leur personne ou à leur bien ou à leur honneur. Tandis qu'il y a des pays, s'il y a un pays par exemple qui est en guerre, un pays parmi les pays non musulmans qui est en guerre avec un pays musulman, dans ce cas-là c'est une catégorie des koufars qu'on appelle les koufars al-harbiyoun. C'est-à-dire que ces koufars-là sont en guerre avec un pays musulman, par exemple. Okay? Donc, les musulmans qui sont dans ce pays qui est en guerre avec ce pays non musulman, pour eux, c'est des harbiyoun. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre. D'accord? Et dans ce cas-là, donc, il n'y a pas cette protection de la part des musulmans pour ces non-musulmans-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que pour un musulman, il est permis de tuer n'importe quel d'entre eux et de faire d'agresser n'importe quel d'entre eux. Hein? C'est lorsqu'il y a la guerre, par exemple, eh bien, c'est permis pour les musulmans qui partent au combat, qui vont attaquer ces non-musulmans-là, de combattre les combattants parmi les ennemis. Mais pas de tuer les civils, les femmes, les enfants, ou de détruire les arbres, détruire les lacs, ou de même les ulama, ils mentionnent même les religieux, ou les personnes âgées, les prêtres, les moines, qui ne font pas partie des combattants, il n'est pas permis de les tuer non plus. Donc, c'est pas tous les harbiyoun que les musulmans auront le droit de tuer ou de prendre la vie, mais seulement les combattants parmi eux. Hein? Donc ça, c'est pour dire que c'est pas comme certains parmi les ennemis de l'islam essaient de faire paraître ou de faire croire aux gens que l'islam c'est une religion de fous ou de sauvages, ou que les gens dans l'islam on a le droit de tuer tout le monde et qu'on se permet de tuer les non-musulmans comme des fourmis. Non, ça c'est ceux qui agissent de cette manière-là au nom de l'islam ou au nom d'Allah, ce sont des menteurs, ce sont des traîtres, ce sont des gens qui font un grand tort à l'islam et aux musulmans parce que ils déforment la réalité de l'islam. Et ce sont en général ceux qui agissent de cette façon-là, c'est les gens qui font partie de la secte des Khawarij, parmi les extrémistes, parmi les égarés, qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme les groupes contemporains qu'on appelle Daesh ou Al-Qaïda ou bien Boko Haram, ou les gens qui sont dans le désert de l'Afrique du Nord et qui se permettent de tuer des innocents et des choses de ce genre, qui font des attentats terroristes, des attentats suicides et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui sont condamnées par le Coran et par la Sunna et par les enseignements purs de l'islam. Et donc, on va lire même maintenant les preuves des versets du Coran à ce sujet-là. Et donc, le cheikh, il les cite ici. Il dit que il n'est pas permis donc pour le musulman de tuer le mu'ahad, c'est-à-dire les kuffars qui sont en entente de paix avec les musulmans, il est interdit de les tuer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié que si un musulman, si jamais il arrive qu'un musulman tue un autre musulman, eh bien, ça ne peut être ou ça ne doit être que par erreur, par accident. Non, et non pas volontairement. Si ça se produit volontairement, ça, dans ce cas-là, c'est un grave péché, parmi les plus grands péchés. Mais si ça se produit par accident, ça c'est possible. Quelqu'un, par exemple, un musulman, par accident, il frappe un autre musulman avec sa voiture, sans faire exprès, il le tue. Hein? Donc, ça, c'est sûr qu'il a pris sa vie, mais il n'a pas fait exprès, c'est pas volontaire. Ou un autre accident de ce genre. Et dans ce cas-là, il y aura des choses à faire pour expier cette faute-là qu'il a fait. Et dans le verset, c'est mentionné. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que lorsque la victime est croyante, mais que les gens avec qui il vivait, par exemple, c'est un musulman qui vivait parmi les non-musulmans, et que les non-musulmans parmi lesquels ce musulman-là vivait étaient des non-musulmans qui étaient en guerre avec les musulmans, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de payer le prix de sang. Hein? Il n'y a pas de diya pour eux. Hein? Parce que il était parmi un peuple qui était en guerre. وَأَنَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Et celui qui a été responsable de sa mort, de la mort de ce croyant-là, il devra libérer un esclave vivant. Un esclave croyant, pardon. Il devra libérer un esclave croyant pour expier son péché. Et il mentionne le verset 92 dans sourate An-Nisa. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. Si ce n'est que par erreur, quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang. Hein? À moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué, ou la victime, appartenait à un peuple ennemi, à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. D'accord? Donc ça c'est pour cette catégorie-là ou pour ce cas-là. Après il dit, le fait qu'il faisait partie ou qu'il était parmi les koufars, ça fait en sorte que, étant donné que c'était des koufars qui étaient en guerre, et que lui-même il était musulman mais il était parmi eux, dans ce cas-là il n'y a pas de diya à payer. On n'aura pas à payer le prix de son sang. Oui. Le cas d'un musulman qui vivait parmi les non-musulmans, qui sont en guerre avec les musulmans. Si les musulmans, par exemple, l'ont tué, ce musulman-là, dans ce cas-là, ils n'ont pas de prix du sang à payer pour lui, sauf que pour expiation, ils doivent libérer un esclave musulman, un esclave croyant. D'accord? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset 92, il dit, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, c'est-à-dire c'est des non-musulmans, mais ils sont pas en guerre avec les musulmans, ils ont un pacte, il y a une entente de paix entre les musulmans et eux, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. C'est-à-dire que si la victime, elle fait partie des gens qui sont liés aux musulmans par un pacte, alors on doit payer le prix de sang pour lui, c'est-à-dire que ce soit un musulman ou un non-musulman, on doit payer le prix du sang pour cette personne, et en plus de ça, affranchir un esclave croyant. Hein? Et celui qui n'en trouve pas le moyen, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. 2 mois d'affilée. Shahrain mutatabi'in. Ça veut dire le prix du sang, on dit en arabe ad-diya, la valeur du prix de sang, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivalent à 100 chameaux. La valeur de 100 chameaux. 100 chameaux, c'est une fortune. Hein? Et c'est ça que la personne devait payer pour la personne qui a été tuée. Parmi les gens qui ont une entente de paix avec les musulmans, même s'il n'est pas musulman. Hein? Donc ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, il tue un non-musulman, et que ce non-musulman-là, il fait partie des non-musulmans qui ont une entente de paix avec les musulmans, eh bien, ce musulman-là, il doit payer le prix de sang de cette personne dans l'islam. Hein? Qui équivaut à la valeur de 100 chameaux à peu près à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ça coûte une fortune. Ça équivaut à une fortune. Oui, ça coûte très cher. Donc, et en plus, il doit libérer un esclave. Le prix d'un esclave croyant. Donc ça, c'est très cher aussi. Et s'il ne peut pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc ça, c'est pour dire que c'est celui qui pense que dans l'islam, le musulman il a le droit de tuer n'importe qui, ou les non-musulmans, qu'il n'y a pas de péché là-dedans, ça c'est faux. Il ment. Hein? Et il dit, ça c'est, le cheikh il dit, c'est-à-dire que si la victime qui a été tuée, il fait partie des gens de Ahlul Dhimma, des non-musulmans qui vivent chez les musulmans, ou des non-musulmans qui sont en paix avec les musulmans, alors il doit payer la dia, le prix de son sang, et faire une expiation pour l'avoir tué, comme pour le croyant. Et donc ça prouve l'interdiction de tuer les koufars parmi ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans, et que leur sang est sacré comme le sang des musulmans. Et il dit donc, pour le meurtre qui n'est pas intentionnel, il faut payer la dia et faire l'expiation, payer l'expiation aussi. Pour il dit, tandis que pour le, il dit waqatlu al-abd fihi al-wa'id. Donc en ce qui concerne le celui qui tue un esclave, il dit il y a la menace, il y a la menace. Et il mentionne ensuite le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un non-musulman qui a une entente de paix, qui est protégé par une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hein? Le musulman qui tue un non-musulman, qui est protégé par une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis, malgré que son odeur peut être sentie d'une distance de 40 ans. Une distance qui correspond à 40 années. Donc, ça veut dire que c'est une menace sévère. Hein? Et il dit, فَالَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ بِالتَّفْجِيرَاتِ وَالْقَصْفِ بِالْأَصْلِحَةِ بِحُجَّةِ أَنَّهُمْ كُفَّارِ وَيَعْتَبِرُونَ هَذَا مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هؤلاء قتلوا الأنفس التي حرم الله بغير حق وفعلهم هذا من الخيانة ونقض العهود وليست من الجهاد في سبيل الله ويحق عليهم الوعيد الذي جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. Le Cheikh il dit, donc ceux, hein, parmi ceux qui se disent musulmans et qui se permettent de tuer des non-musulmans qui sont sous la protection d'une entente de paix ou qui sont entrés dans les pays musulmans en paix avec un visa, qui sont envoyés en mission ou des choses de ce genre, des fois c'est des gens qui sont des missionnaires ou des délégués ou des comment on appelle des dignitaires ou autres, peu importe, et qu'ils les font exploser avec des bombes ou avec des choses de ce genre. Ils font des attentats et ils tuent, hein, des koufars. Ils pensent que quand ils sont en train de tuer ces koufars-là, ils pensent qu'ils sont en train de faire le djihad fisabilillah. Eh bien le cheikh il dit, ces gens-là ils ont tué des âmes que Allah a déclarées sacrées, hein, et ils les ont tuées injustement, et leur acte est un acte de trahison. Hein? Leur acte est un acte de trahison envers les musulmans et envers l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait paraître les musulmans comme des traîtres devant les non-musulmans en brisant leur entente, en ne respectant pas l'entente de paix qui a été signée par le dirigeant des musulmans chez les non-musulmans. Donc c'est comme si le dirigeant musulman, il va chez les koufars pour signer une entente de paix. Et il prend cette entente-là avec eux. Toi, tu viens et tu brises cette entente que le dirigeant a pris. Donc tu fais paraître tous les musulmans comme des traîtres devant les non-musulmans. Donc ça, c'est grave. Hein? C'est grave comme péché. Et ça, ça fait partie de briser l'entente. Et ça fait partie de la trahison dans l'islam. C'est considéré comme un acte de trahison. Et ça ne fait aucunement partie du djihad dans le sentier d'Allah. Et ces gens-là, ils méritent la menace qui a été mentionnée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui d'entre les gens qui tue un musulman qui se permet de tuer un non-musulman qui est un mu'ahad, qui est sous la protection de l'entente de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ça, c'est grave. Ça, c'est le premier hadith qui a été mentionné à ce sujet-là. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il cite, hein, un autre hadith ensuite, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Il dit, « An Salim ibn Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, قال, « Ya ahl al-Iraq, ma as'alakum an al-saghira wa arkabakum lil-kabira. » ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من هنا من هنا من ها هنا. نعم. إن الفتنة تجيء من ها هنا. وأوأم بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله تعالى فقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. Donc ce hadith qui est un hadith rapporté par l'imam muslim selon Salim le fils de Abdullah ibn Umar, hein, Abdullah ibn Umar qui est le fils de Umar ibn al-Khattab. Donc le rapporteur de ce hadith c'est le petit-fils de Umar ibn al-Khattab, Salim, qui est le fils de Umar, le fils de Abdullah, et Abdullah qui est le fils de Umar ibn al-Khattab. Donc c'est son petit-fils qui cite le hadith, Salim. Naam. Donc Salim, il dit de son père, Abdullah, il dit qu'Abdullah il a parlé aux gens de l'Irak. Il dit, ô vous les gens de l'Irak, hein, comme vous demandez beaucoup au sujet des petits péchés, et comme vous en faisiez beaucoup de grands péchés. C'est-à-dire, vous me demandez à propos des petits péchés, alors que vous êtes en train de faire des grands péchés, des péchés graves. Il s'adresse aux gens de l'Irak. Il dit, j'ai entendu mon père, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la fitna viendra de par ici. Hein? Et il a pointé avec son doigt vers la région de l'Est. C'est ce qui signifie que quand on dit la fitna vient de l'Est, ça veut dire hein, de l'Irak. La plupart des fitnes, elles viennent de l'Irak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, hein, la fitna va venir de l'Est. Il a pointé vers l'Est. Et il dit, c'est de là que se lèveront les cornes du diable, les cornes du shaytan. Aujourd'hui, des fois, vous lisez, par exemple, sur les sites des gens de Bid'a, comme les Soufis, les Ahbash, les Asha'ira, quand ils veulent attaquer les gens de la Sunna, et qu'ils les appellent des Wahhabis, des Wahhabiyya, des Wahhabites, comme ils disent, hein, ils les accusent, hein, de Wahhabiyya, ils les accusent de Wahhabite. Puis il cite ce hadith ou un hadith semblable qui dit la fitna viendra du Najd ou bien va venir de cette direction, il pointe vers l'Est. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il indique l'Est en parlant de l'Irak, eux ils essaient de dire qu'ils pointent vers le Najd, c'est-à-dire la région d'où venait ou d'où est né le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, pour attaquer la da'wah salafiyya. Alors que le Najd de Médine, le Najd de la ville, à partir de Médine, le Najd de Médine, c'est l'Irak. Et de la Mecque, le Najd de la Mecque, c'est, hein, Najd de l'Yamam, hein, de là où vient Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais le Najd dont il est question, c'est pas le Najd al-Yamam, c'est Najd al-Irak. C'est de là que vient la fitna. Et historiquement, si tu regardes, dans l'histoire de la Ummah, de l'Islam, les grosses fitnes, les grosses bid'ah, la plupart, elles sont toutes apparues en Irak. Hein? Bon, toute la région, yani, de l'Est, hein, et cette région-là, même encore aujourd'hui, tu vois les fitnes qui viennent de l'Irak, encore. Hein? Donc, il ne faut pas étonner, il ne faut pas être étonné de ça. Et donc, il dit, c'est de là que vont naître les cornes du shaitan. Donc ils essaient d'appliquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mentionnés, ils essaient de les appliquer sur les gens de la sunna, alors que c'est sur eux que ces hadiths là s'appliquent. Allahul musta'an. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fitna viendra de là-bas, c'est-à-dire, il a pointé vers l'est. Il dit, c'est de là que vont se lever les cornes du shaitan. Pourquoi Abdullah ibn Omar, il cite ce hadith-là en s'adressant aux gens de l'Irak? C'est parce que Abdullah ibn Omar a compris que ce hadith concerne les gens de l'Irak. Hein? Et donc, il leur mentionne ce hadith. Il dit, vous allez vous frapper le cou les uns des autres. Hein? Vous entretuez. Et il a dit, par contre, Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a tué, hein, parmi les gens de la, parmi les gens du peuple de Pharaon, il l'a tué par erreur. Il n'a pas tué volontairement. Il n'a pas voulu le tuer. Comme c'est mentionné dans Surat Taha. Le Cheikh, il mentionne le verset 40. Et on va lire ensemble la signification de ce verset. Et ça dit que Moussa, alayhi salam, quand il a frappé, hein, celui qui était de la famille de Pharaon, quand il l'a frappé, il n'a pas frappé dans l'intention de le tuer, mais il était tellement fort qu'un seul coup a suffi pour qu'il achève la personne. Mais ce n'était pas son intention de le tuer, d'accord? Donc ce n'était pas intentionnel. Et donc il cite, comme on a dit, le verset 40 dans Surat Taha, dans lequel il dit, hein, tu tuas ensuite un individu, et nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, hein, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Donc ça, c'est pour mentionner que c'était par erreur. Et le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant ce hadith. Il dit, Salim ibn Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhum jami'an, alladhi sa'alahu ahlul iraqi an dam al-ba'ud. يعني أهو نجس فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض ها؟ سمعت أبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا يعني تخرج من العراق. Donc, le cheikh, il explique, en fait, il dit que le hadith s'est rapporté par Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, comme on a dit, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab. Que Allah soit satisfait de tous. Il a demandé, il dit, les gens de l'Irak lui ont demandé à propos du sang d'un moustique. Est-ce que c'est impur ou est-ce que c'est pur? Hein? C'est quelque chose de petit, allez, un moustique. Hein, si tu l'écrases, peut-être qu'il y a un peu de sang qui va sortir. Eux, les gens de l'Irak, ils demandaient à propos de ça, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est najis, est-ce que c'est impur. Alors, il leur a dit, Salim, il leur a dit, comment vous demandez à propos des choses petites alors que vous faites des grands péchés? Vous venez juste de tuer Al-Hussein. Hein, il venait de tuer le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein, le fils de Ali. Radiallahu anhu, dit, vous venez de tuer Al-Hussein, puis vous me demandez à propos du sang des moustiques. Hein? Il dit, j'ai entendu mon père, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, qui a dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, la fitna viendra de là-bas. Hein? Et il a pointé vers l'Irak. Hein? Elle va sortir de l'Irak. Et le cheikh dit, comme je disais tout à l'heure, l'est pour la ville de Médine, si tu regardes sur la carte, à partir de Médine et que tu vas vers l'est, tu vois que c'est la direction de l'Irak. L'Irak, c'est juste directement à l'est. Donc il dit, wa qawluhu min haythu yatlu'u qarn ash-shaytan ay min mashriq al-Madina wa huwa al-Iraq. Fa ankara 'alayhim ibn 'Umar su'alahum 'an dam al-ba'udah وتشددهم في النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. Donc le cheikh dit, c'est de là que vont, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de là que vont se lever les cornes du shaitan, il a dit, c'est-à-dire vers la direction de l'est de Médine, c'est-à-dire l'Irak. Et donc Ibn Omar, il voulait les critiquer, hein, d'avoir questionné au sujet du sang des moustiques, et d'être d'exagérer à ce sujet-là, au sujet de son impureté, alors qu'il prenait à la légère le fait de faire couler le sang des personnes, hein, le sang des hommes, et même le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah al-Musta'an. En plus, c'est eux qui l'ont invité, c'est eux qui l'ont appelé pour venir. Ils ont dit, viens vers nous, on va te défendre, on va te donner une armée, on va te défendre et on va te supporter. Hein. Une fois arrivé là-bas, ils l'ont tué. Puis après, il pleure sa mort. Hein? Allah al-Musta'an. الشيخ يقول وقوله أشار بيده إلى المشرق وهذا ينطبق على العراق لأنه يقع شرق المدينة والعراق نشأت فيه أو نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج وفيه كانت المعارك التي حصلت بين المسلمين. Donc, le شيخ il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué avec sa main vers l'est, et ça représente l'Irak puisque c'est à l'est de Médine. Et l'Irak, c'est de là que se sont produits beaucoup de fitnes, beaucoup de tribulations, beaucoup de troubles, comme la fitna des Khawarij, ils sont sortis de l'Irak. Et également, beaucoup d'autres batailles qui se sont produites entre les musulmans. C'était là-bas. Donc il dit, وَقَوْلُهُ إِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأَ يعني في القرآن فَهُوَ كان قد نشأ في بيت فرعون ولقد قص الله علينا قصة موسى في عدة مواضع من القرآن الكريم ومن ذلك قوله فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Donc le cheikh il cite le verset dont j'ai parlé tout à l'heure, فَوَكَزَهُ. Donc il dit que quand Moussa a tué, il a tué la personne qu'il a tué de la famille de Pharaon par erreur, comme c'est mentionné dans le Coran. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent l'histoire de Moussa alayhi salam dans plusieurs endroits dans le Coran. Puis il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il l'a frappé, Moussa l'a frappé, il l'a tué, et il l'a tué. Et Moussa alayhi salam a dit, ceci fait partie des œuvres du shaitan, il est certes un ennemi égareur et évident. Un ennemi égareur évident. Et il a dit, Seigneur, parce que je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Alors Allah lui a pardonné, il est certes pardonneur et miséricordieux. Et il a dit, Seigneur, parce que tu as mis sur moi ta grâce, je ne serai pas de ceux qui défendent les injustes ou qui supportent les injustes. Hein? Donc il dit, wa qissatu Musa yatulu sarduha wa hiya mawjudatun fi kutub at-tafasir. Walakin alladhi yahumuna huna bayanu anna qatl an-nafs bighayri haqq mamnu'. لأنه يترتب على القتل محاذير مثل الهم والغم والخوف وهذا الذي دعا موسى لأن يهرب من مصر إلى أرض مدين وهو لم يكن قد تعمد القتل ولكن قتله إنما كان خطأ فكيف حال من قتل متعمدا. Donc le cheikh dit, l'histoire de Moussa, elle est longue à mentionner, mais elle est présente dans les livres de tafsir. Puis il y a des livres comme Qisas al-Anbiya, écrit par Ibn Kathir, et d'autres parmi les ulama qui mentionnent les détails de son histoire, et vous pouvez donc retourner à ces exemples-là, en plus de ce qui est mentionné à son sujet dans le Coran. Et il dit, et ce qui est important pour nous, c'est le fait que il est interdit de tuer une âme injustement. Parce que il y a beaucoup de méfaits qui découlent du meurtre. Hein? Lorsque quelqu'un est responsable de la mort d'une autre personne, il va non seulement subir peut-être une punition quelconque, mais en même temps, en lui-même, il va ressentir de l'anxiété, de la peur, des soucis en lui-même, des conflits, peut-être même il va se sentir mal en lui-même parce que il a pris l'âme de quelqu'un, hein. Et donc, ici, c'est ce qui a amené même Moussa alayhi salam à s'enfuir, à quitter l'Égypte et à partir vers la terre de Madian. Hein? Pourquoi? Parce que malgré qu'il avait tué la personne sans que ce soit intentionnel, mais malgré tout, yani, il a eu peur des conséquences ou des représailles. Et donc, malgré qu'il l'avait tué par erreur, il est parti et il a quitté. Hein, là où il est grandi, là où il a vécu toute sa vie. Et imaginez donc dans le cas de quelqu'un qui aurait tué intentionnellement, hein, ce serait encore plus grave. Il dit ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى مُمْتَنًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَلَّمَهُ بِرِسَالَتِهِ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ يعني هم القتل وهيأنا لك الطريق ووفقناك لذاك الرجل الصالح الذي استقبلك وزوجك إحدى ابنتيه. Donc il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné sa grâce et sa faveur pour Moussa alayhi salam après avoir mentionné yani, le message qu'il lui a envoyé. Il dit: et tu avais tué une personne et nous t'avons sauvé, hein, de l'angoisse et des soucis de l'avoir tué. Et nous t'avons préparé le chemin et nous t'avons donné le succès d'avoir rencontré par la suite cet homme pieux qui t'a accueilli, hein, dans la terre de Madian et qui t'a fait épouser une de ses deux filles. Hein? Et il dit ensuite, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite ensuite un autre hadith. Il dit: وَلَهُمَا عَنِ الْمِقْدَادِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ إِلْتَقَيْتَ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فقال أسلمت لله أأقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. Donc ici le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Miqdad. Il dit: j'ai dit au messager d'Allah, vois-tu si je rencontre un homme parmi les koufars dans le combat, pendant la bataille, sur le terrain de bataille, et que cet homme, je me bats avec lui, et il me frappe avec son épée et il coupe une de mes deux mains. Après, il se met derrière un arbre, il court se cacher derrière un arbre. Et pendant qu'il est derrière l'arbre, il dit: je me soumets à Allah, j'accepte l'islam. Est-ce que je peux le tuer après qu'il ait dit cette parole? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne le tue pas. Il dit: parce que si tu le tues, hein, eh bien dans ce cas-là, il sera dans la même situation que toi avant que tu l'aies tué, c'est-à-dire il sera musulman. Et toi, tu seras dans la même situation que lui avant qu'il ait dit cette parole-là. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est pour dire, en voulant dire, celui qui dit « La ilaha illallah », une fois qu'il l'a dit, tu ne peux plus le tuer, même si c'est dans le combat, même s'il t'a coupé la main. Parce que c'était arrivé à l'époque, un autre sahabi, le cheikh va mentionner l'exemple de Oussama, qui a tué quelqu'un après qu'il avait dit « La ilaha illallah ». Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va répondre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit: وقول المقداد في ثاني أحاديث الباب يا رسول الله أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا يدل على تحريم قتل المسلم حتى وإن كان إسلامه حديثا. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو التقى مع الكافر في الجهاد وقطع الكافر وقتل الكافر يد المسلم، ثم أراد المسلم أن ينتقم منه فقال الكافر أسلمت، هل يجوز أن يقتله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، لأنه أصبح مسلما وأصبح دمه حراما. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك، يعني صار مصان الدم بالإسلام مثلك، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، أي أنت بعد قتلك له تكون غير معصوم الدم ولا محرم القتل قصاصا، وليس معنى بمنزلته أنك تكفر. فمن دخل في الإسلام فإنه يكف عنه، فإن ثبت على إسلامه حرم دمه وماله، وإن دخل وظهر منه ما يخالف الإسلام حكم عليه بالردة. Donc on va lire cette partie. Le cheikh il explique que Al-Miqdad, il dit dans ce hadith, qui est le deuxième hadith dans le chapitre, qu'il dit au messager d'Allah, vois-tu si je rencontre un homme parmi les kuffars et qu'on se bat ensemble. Et donc ça prouve l'interdiction de tuer le musulman, même s'il vient juste de se convertir à l'islam, même si ça fait quelques secondes. Du moment qu'il prononce son islam, on n'a plus le droit de le tuer. Donc ça c'est pour donner l'exemple. Et en subhanallah, la personne est sur le terrain de bataille, et le musulman qui est dans le djihad en train de combattre les kuffars, le kafir il dit une parole, t'as plus le droit de le toucher, t'as pas le droit de toucher à un seul de ses cheveux. Ça montre à quel point le musulman est sacré. Donc si par exemple ce kafir, quand il se battait avec lui, il lui coupe la main. Et le musulman, il veut se venger de ce kafir, parce que le kafir vient lui couper sa main. Et il dit, je deviens musulman, j'accepte l'islam. La ilaha illallah. Des fois, le kafir, il ne va pas nécessairement dire la ilaha illallah. Peut-être qu'il ne sait pas dire la ilaha illallah. Mais il dit, ça y est, je suis musulman, j'accepte l'islam. Tu n'as pas le droit de le toucher après ça. Et donc, il dit, tu n'as pas le droit de le tuer. Il pose la question, est-ce que j'aurais le droit de le tuer, messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, tu ne dois pas le tuer. Il dit, parce que si tu le tues, une fois qu'il est devenu musulman, ça dit, son sang est devenu haram, son sang est devenu sacré. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite que, si tu le tues, alors il sera dans la même situation que toi. C'est-à-dire, son sang sera protégé par l'islam, comme toi. Et il dit, وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا. Et toi, tu seras dans la même situation que lui avant qu'il dise la parole qu'il a dite. C'est-à-dire qu'après qu'il ait dit cette parole-là, qu'il ait dit qu'il est musulman, qu'il a dit la ilaha illallah, eh bien, toi, ton sang ne sera plus protégé, et il sera plus interdit de te tuer par rapport au talion, parce que tu auras tué quelqu'un qui était sacré, que t'avais pas le droit de tuer, et donc tu seras toi-même tué pour avoir tué quelqu'un, tu seras toi-même tué pour avoir tué quelqu'un. Ça veut pas dire que en le tuant, tu es devenu kafir comme lui. Non. Mais ça veut dire que si toi tu le tues, tu vas devenir comme lui, dans le sens que ton sang ne sera plus protégé, puisque là on va appliquer sur toi la peine de mort pour avoir tué quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Donc, فَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُكَفُّ عَنْهُ. Donc, celui qui rentre dans l'islam, eh bien, on n'a plus le droit de le toucher. Il dit, s'il reste par la suite sur son islam, c'est sûr que son sang, ses biens sont sacrés pour les musulmans, hein, lorsqu'il rentre dans l'islam. Puis par la suite, s'il laisse montrer des choses qui contredisent l'islam, c'est-à-dire qu'il, si par exemple il n'était pas sincère, par exemple il dit je deviens musulman, puis après quelques minutes plus tard il retourne dans la mécréance, où il dit des paroles de kufr, je ne crois pas en l'islam, ou je crois en d'autres choses, hein? Dans ce cas-là, on va juger que c'est un apostat. On va dire de lui qu'il est un apostat. Mais tant qu'il n'a rien montré de contraire à l'islam, on n'a pas le droit de le tuer dans ce cas-là. Et ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit, وَلِهَذَا وَلَهُمَا عَنْ أُسَامَةَ ابن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فلحقت أنا رجل ورجل من الأنصار رجلا منهم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فقطعته برمحي فقتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما يزال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم وفي رواية أنه قال أفلا شققت عن قلبه ولمسلم أنه قال يا رسول الله استغفر لي فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Donc le cheikh, il cite ensuite un autre hadith. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite ensuite un autre hadith. C'est le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, le fils de Zayd, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Usama ibn Zayd, hein? Et malgré ça, regardez, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Usama ainsi que d'autres parmi les sahaba pour combattre des gens de la tribu de Juhayna. Il dit, ils sont arrivés le matin et ils ont fait fuir les ennemis. Ils ont battu ces gens-là. Et ils ont réussi à attraper un homme parmi eux, lui ainsi que quelqu'un parmi les Ansar. Ils ont attrapé un d'entre eux, ces gens-là, et ils ont réussi à le cerner. Il ne pouvait plus bouger. Et au moment où ils allaient pour l'attraper, hein, ou pour le frapper, eh bien, l'homme a dit « La ilaha illallah ». Alors, l'Ansari, l'autre compagnon qui était avec Usama, lui, il s'est arrêté. Quand l'homme a dit « La ilaha illallah », il s'est arrêté tout de suite. Tandis que Usama, lui, il a pris sa lance et il l'a frappé avec et il a tué l'homme. Lorsqu'ils sont revenus chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ça. Il a dit « Oh Usama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah » ?» Alors lui, il dit « J'ai dit « Oh messager d'Allah, il a juste dit ça pour se protéger. » Il a dit « La ilaha illallah » juste pour se protéger parce qu'il ne voulait pas que je le tue. Il a dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Et il a continué à dire ça. Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Hein? Il a continué à le dire jusqu'à ce que j'ai souhaité à ce moment-là que je n'aurais pas été musulman avant ce jour-là. Hein? Tellement c'était grave. Et dans une autre narration, il a dit, quand Usama a dit, oh messager d'Allah, il voulait seulement se protéger, hein? Il a dit ça juste pour se protéger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir s'il disait ça sincèrement ou non, hein? Alors, dans une autre narration de Muslim, il a dit, ô messager d'Allah, demande à Allah pardon pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, ô Usama, qu'est-ce que tu vas faire avec la ilaha illallah lorsque la ilaha illallah va venir au jour de la résurrection? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? C'est pour montrer la gravité de la situation. Le cheikh il dit, قوله ولهما عن أسامة بن زيد فيه أن أسامة قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله ظنا منه أنه إنما قالها ليسلم من القتل. يعني سبحان الله. Comme ils ont montré, même il y avait certaines vidéos qui passaient sur internet dernièrement, ou bien ça fait quelques années, comment Daesh il s'amuse avec un fusil et puis il dit à quelqu'un, est-ce que tu es musulman? Et l'homme il dit, oui je suis musulman. Il dit, tu dis la ilaha illallah? Oui je dis la ilaha illallah. Puis après il continue à jouer avec lui avec le fusil comme s'il le menaçait. Puis après ils l'ont tué à la fin. Yani subhanallah, comme si c'est un jeu pour eux. Yani pour eux le musulman n'a aucune valeur. Yani aucun, yani Allah musta'an, il tue les musulmans comme si c'est des mouches, yani. Ils n'ont aucun respect pour le sang du musulman. Donc le cheikh il cite ça. Cheikh Al-Fawzan il mentionne donc l'histoire qui a été mentionnée dans ce hadith. Il dit qawluhu wa lahuma an Usama ibn Zayd. Dans ce hadith, il y a le fait que Usama a tué un homme après que l'homme a dit la ilaha illallah en pensant qu'il l'avait dit seulement pour ne pas se faire tuer, pour être protégé. Il dit فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قالها ثلاثا فقال أسامة إنما قالها تعوذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه فهذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل من أظهر الإسلام لأن الله تعالى هو الذي يتولى السرائر ونحن ليس لنا إلا الظاهر إلا إن تبين لنا غير ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فالواجب التثبت في هذه الحالات وعدم التسرع فالنيات لا يعلمها إلا الله فمن أسلم أخذنا بظاهر حاله إلا إذا أظهر منه ردة فحينها يقتل مرتدا. Donc le cheikh il dit là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné l'acte de Usama et il a dit à Usama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Il a répété ça plusieurs fois, trois fois. Après, Usama, il a dit, il a seulement dit ça pour se protéger, pour pas que je le tue. Alors, le prophète Osama lui a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour vérifier? Hein? Alors, le prophète Osama a condamné cet acte. Et ça veut dire que la personne qui montre qu'il est musulman, qui montre l'islam, hein, on n'a pas le droit de le tuer. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge l'intérieur. Qu'est-ce qui est dans le cœur? La sincérité de la personne, on ne peut pas le savoir excepté Allah. Mais nous, on juge qu'est-ce qui est apparent. Donc si la personne montre qu'elle est musulmane, elle accepte l'islam, on doit l'accepter. Et Allah, il va s'occuper de son intérieur. S'il est sincère ou non, c'est Allah qui va le juger pour ça, ce n'est pas nous. Excepté s'il laisse paraître autre que ça. D'accord? Et il mentionne le verset 94 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien, vérifiez bien, hein, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. Hein? » Donc il dit l'obligation pour le musulman c'est de vérifier dans ces situations-là et ne pas se précipiter parce que les intentions, il n'y a personne qui les connaît excepté Allah. La sincérité, personne ne la connaît excepté Allah. Et donc, pardon, verset 94 dans Sourate An-Nisa. Donc, le cheikh, il dit, celui qui s'est donc converti à l'islam, hein, nous on prend qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qu'il nous montre. C'est ça ce qu'on accepte. Et on doit yani, considérer que s'il le dit, ça veut dire qu'il est sincère. Excepté s'il nous montre, autre que la sincérité, qu'il laisse montrer de la mécréance ou des choses qui contredisent l'islam, dans ce cas-là, yani, on verra que la personne, elle est un apostat, elle a commis un acte d'apostasie, donc il sera jugé comme un apostat. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, et ça c'est le dernier hadith, avec un petit commentaire qu'il donne à la suite, c'est le dernier hadith du chapitre, il dit, وَلِلْ بُخَارِي عَنِ ابْنِ عُمَرْ رضي الله عنهما مرفوعا لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. C'est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Umar رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le musulman il est considéré comme Fusha, ça veut dire quand tu es en pause, hein? Donc, comme si en voulant dire que tu es en repos dans ta religion. Tant que tu n'as pas fait couler du sang illicite, le musulman, tant qu'il n'a pas fait couler du sang illicite, il est en repos dans sa religion, il est en paix dans sa religion. C'est ça que ça veut dire. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là. Il dit, فيه أن المسلم في سلامة وعافية بسبب دينه لم يصب دما حراما فيقتل نفسا حرم الله قتلها فإنه إن فعل ذلك وقع في الابتلاء والامتحان ويكون هو الذي أوقع نفسه في الإثم وفيه النهي عن سفك الدين عن سفك الدم الحرام. Donc, le cheikh, il explique que si le musulman, il n'a pas fait couler de sang interdit, ou du sang qui est sacré, il n'a pas fait couler de sang, alors il est en paix, hein, et il est épargné, hein, du mal à cause de sa religion, tant qu'il n'a pas fait couler du sang interdit. Puis, s'il tue une âme que Allah a interdit de tuer, eh bien, à cause de son acte, à cause de son geste, il va tomber dans les épreuves et dans les malheurs. Et donc, il s'est mis lui-même, il s'est fait tomber lui-même dans le péché. Et ça, c'est également une preuve de l'interdiction de faire couler le sang injustement. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un, il est en paix dans sa vie, dans sa religion, dans son islam. Puis, le jour où il commet l'erreur de tuer quelqu'un injustement et de faire couler le sang de quelqu'un injustement, eh bien, là, pour lui, là, c'est un grand... Hein, tous les malheurs qui tombent sur lui, tous les problèmes qui tombent sur lui. Subhanallah. Surtout, les gens... Bon, là, il va perdre sa réputation, il va rentrer en prison, il va être accusé, il va peut-être même être exécuté. Tout ça parce qu'il a tuer quelqu'un injustement, alors qu'auparavant il était en paix, hein? Donc ça, c'est des choses vraiment graves, il doit penser à ça. Et juste un point pour terminer, c'est que souvent tu vois que les koufars, par exemple, il y en a beaucoup parmi eux aujourd'hui, parce qu'à l'époque il n'y a pas un pays où il n'y avait pas la peine de mort. Ça, c'était partout dans le monde, même encore aujourd'hui il y a des pays, parmi les pays des koufars, qui sont considérés comme des pays soi-disant civilisés ou développés, puis qui sont démocratiques soi-disant, puis qui ont encore la peine de mort. Hein? Aux États-Unis, il y a beaucoup d'États encore où il y a la peine de mort. Et dans le passé, c'était tous les pays occidentaux, ils avaient la peine de mort. Et ils avaient différentes façons pour punir les criminels. Par la peine de mort, soit par la pendaison, ou bien par la guillotine, ou bien par d'autres moyens. Et à l'époque, ils ne considéraient pas ça barbare. Même dans leur Bible, il y a la mention de la peine de mort. Dans l'Ancien Testament, c'est mentionné plusieurs fois. Et c'est donc quelque chose qui est connu, qui est clair. Maintenant, aujourd'hui, ils essaient de faire croire aux gens que la peine de mort, c'est quelque chose de sauvage, de barbare ou de je ne sais pas quoi. Donc ça, celui qui renie la peine de mort, en réalité, il renie la religion de l'islam. Parce que ça fait partie des principes et des règles de la religion, de la charia. Et donc, un musulman n'a pas le droit de renier quoi que ce soit de l'islam, même si c'est juste une lettre dans le Coran, ou même une lettre dans un hadith authentique. Il n'a pas le droit de le renier, ou de le rejeter, ou de le remettre en question, tant que c'est authentique. Donc, tu dois être en faveur de la peine de mort, peu importe qu'est-ce que les koufars vont dire ou penser. Et une chose aussi qui est importante à comprendre aussi, c'est que eux, maintenant aux États-Unis, ils ont tellement de crimes, tellement de meurtres, par exemple, que les prisons sont débordent de personnes. Hein? Et ils ont même plus de place, même tellement il y a des gens dans la prison, parfois ils sont obligés de laisser même sortir des criminels. Tellement que les prisons sont bondées. Hein? Et même ils sont parfois obligés d'en construire des nouvelles prisons. Et ça demande beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent, beaucoup de frais qu'ils doivent dépenser pour ça. Aussi, une chose étrange que j'ai remarqué dans certains d'entre ces dans ces pays-là, c'est que quand ils ont la peine de mort, ils prennent parfois des années et des années avant d'appliquer la peine de mort sur la personne. Hein? Donc, peut-être même des fois, ils vont garder la personne pendant 5 ans ou 10 ans ou plus même avant de l'exécuter. À quoi ça sert dans ce cas-là, hein? Donc, dans l'islam, c'est pas comme ça. Et lorsque la peine doit être appliquée et qu'il n'y a pas de raison de douter de la culpabilité de la personne qui est accusée, dans ce cas-là, on applique la peine. Hein? Et c'est une expiation pour cette personne-là, c'est-à-dire pour le musulman qui a commis un crime comme celui-là et qui sera exécuté, ce sera une expiation pour son péché. Et quand il va rencontrer Allah au jour de la résurrection, il n'aura pas à rendre des comptes pour ce péché-là parce qu'il a déjà été puni pour. Donc, d'une certaine façon, c'est une purification pour lui. D'accord? En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, sur un autre chapitre. Le chapitre suivant, c'est un chapitre qui s'intitule « Babun takthiru sawad fil fitan ». C'est-à-dire au sujet de ne pas augmenter le nombre des gens qui sont dans la fitna. Lorsqu'il y a une fitna, tu ne dois pas te joindre à ceux qui sont dans cette fitna, hein, et d'augmenter leur nombre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.